ti metto, e si riconseo de satico. Le, un vince che io pali rispetto, e so che ti rete le de bra croise, con tu pensa o pati, gade. Mais jamais accepter la vérité. Et si j'ai dit ma nodine me contenait, mon Dieu peut pas laisser y'a faire. Okay.